Les Nuits Terribles par Alphonse Brau. Première série, Le crime de la Duchesse. Septième partie, Le poison des sultans. Chapitre 1er, La fête de l'ami Fritz. Pendant que Maître Maxou allait en Amérique combattre le baron Walker à coups de millions, Salabert, Martineau et le docteur Cavarox, dirigés par Miss Colfax, combattaient en France d'une autre manière. L'ex-clerc de notaire avait eu pour mission, on se le rappelle, de mettre Cavarox en présence du mystérieux personnage enfermé dans le corps du bâtiment attenant à l'hôtel du riche financier, et aussitôt il s'était mis en campagne. Grâce aux bonnes relations qu'il avait, en prévision de l'avenir, conservées dans la place, il pouvait, sans éveiller aucun soupçon, rendre de temps à autre visite aux Suisses et à Mademoiselle Cattel. Le gigantesque Hermann, ainsi se nommait le gardien de l'immeuble du boulevard Haussmann, avait entre autres une sombre faiblesse, un goût très prononcé pour le punch au kirsch, et Salabert ne se présentait jamais dans sa loge sans être pourvu d'une bouteille du précieux liquide allemand. Tout en sirotant le punch en compagnie du Suisse et de la sensible Wurtembergeoise, l'agent secret de Miss Million était à l'affût d'une occasion favorable pour mettre son projet à exécution. À coup sûr, introduire nuitamment le docteur dans la petite maison fermée n'était pas chose facile. Si Salabert n'avait eu affaire qu'aux gros Suisses, il aurait pu peut-être en avoir bon marché. Mais Fritz était là, l'éternel Fritz, qui rentrait à toutes les heures du soir ou de la nuit, et qui ne se couchait pas sans avoir passé l'inspection des lieux et fait fermer à double tour la serrure de la porte de l'hôtel. Une semaine s'était écoulée. Toutefois, Salabert ne désespérait pas, se fiant au hasard, qui dans ce monde sublunaire dénoue parfois les nœuds gordiens les plus enchevêtrés. Le hasard vint à son aide au moment où il y comptait le moins. C'est après-demain la Saint-Frédéric, c'est-à-dire la fête de M. Fritz, dit un soir Cattel à M. Hermann, tout en humectant délicatement ses lèvres dans le verre de punch que l'ex-clerc venait de lui verser. Comme nous prenons tous les trois nos repas en commun depuis le départ de M. le baron, je proposerai de faire en l'honneur de Saint-Frédéric un fin petit dîner que je confectionnerai moi-même. Tarteifel! C'est là une fameuse idée, répondit le majestueux Suisse, qui, entre son goût bien connu pour le kirsch, avait une vénération toute particulière pour les plats succulents. Salabert tressaillit. Cattel venait, à son insu, de lui faire entrevoir le moyen de réaliser son projet. « Il n'y a que vous, mademoiselle Cattel, pour avoir de ces idées-là, reprit-il, et je regrette qu'elle ne me soit pas venue. Pourquoi ça, monsieur Wilhelm? Parce que s'il m'était venu, j'aurais demandé à prendre part au gâteau. « C'est très facile, repartit la Wurtembergeoise, et vous serez des nôtres, à moins que M. Hermann ne s'y oppose. »« Et pourquoi m'y opposerais-je » dit ce dernier. « Wilhelm nous a fait assez de politesse pour que nous lui en rendions une à notre tour. D'ailleurs, plus on est d'amis, plus on se divertit. »« Eh bien, tenez, vous êtes un brave homme, » répondit l'ex-second cocher en lui serrant vigoureusement les mains. « J'accepte votre aimable invitation avec plaisir et nous tâcherons de rire un tantinet si c'est possible. » Le lendemain au soir, sur le coup de 7 heures, Salabert arrivait à l'hôtel en tenant 2 objets dissimulés sous son ample Macfarlane. Le premier était un magnifique bouquet destiné au héros de la fête, le second, une bouteille de longue dimension dont l'étiquette portait le nom de Johannisberg. Dès qu'il fut entré dans la loge du Suisse, au milieu de laquelle une table de 4 couverts avait été dressée, il démasqua son bouquet. « Voici mon cadeau pour l'ami Fritz. » dit-il en le donnant à Cattel, qui le plaça dans un vase au centre de la table. L'ex-clerc, pendant ce temps, tira droitement la bouteille de dessus sur Macfarlane et la glissa parmi celles qui étaient rangées en ordre de bataille sur le buffet, puis l'enleva une autre bouteille ornée de la même étiquette. Cette substitution fut pratiquée avec une telle dextérité et si rapidement que ni la Wurtembergeoise occupée à ses fleurs, ni Hermann, qui tout en fumant sa pipe, surveillait sur le pas de sa porte l'arrivée de l'ami Fritz, ne se doutèrent de rien. Quelques minutes plus tard, l'ami Fritz faisait triomphalement son entrée dans la loge et était accueilli par des vivats bien accentués. On se mit aussitôt à table, dans l'ordre suivant. Mademoiselle Cattel tenait le milieu, ayant à sa droite le factotum du baron Walker, à sa gauche l'ancien faux deuxième cocher, et en face d'elle, le gigantesque Hermann, qui, comme de juste, se prélassait en sa qualité de patron à la place d'honneur. Au point de vue du goût allemand, le dîner confectionné par la Wurtembergeoise ne laissait rien à désirer. Le bœuf à la choucroute et aux saucisses fumées servait d'entrée. Après lui, venait un énorme plat de nouilles fraîches, ensuite un lièvre à la gelée de groseille. Les hors-d'œuvre épicés ne faisaient pas défaut. À côté des choux rouges confits dans du vinaigre, on voyait le réfort râpé d'Alsace, le jambon cru de Mayence et le saumon à l'huile. Nous ne prétendons pas que ce menu fût des plus délicats, mais il convenait au goût et aux estomacs des convives, sans compter qu'il avait l'avantage de prédisposer à la dégustation des crus de choix mis à part sur le buffet. Chaque cru vint à son tour. Le magrat, à la couleur jaune pâle, ouvrit le feu en qualité de troupe légère, puis suivirent les vins plus corsés, le Neuchâtel et l'Offenthaler. Les cerveaux étaient montés à un joli diapason, à l'exception toutefois de celui de Salabert, quand le fameux Johannisberg apparut comme bouquet de feux d'artifice et fut versé dans des verres de bohème selon la tradition germanique. Ce fut l'ex-clerc qui le servait lui-même avec les précautions exigées. Lorsqu'il arriva à son verre, qu'il avait eu soin de remplir d'un autre cru de vin blanc, il fit un tour de prestidigitation qui lui revalut les applaudissements de Robert Houdin s'il eût été présent à cet agape. En apparence, il se versa une rasade pleine. En réalité, il ne tomba pas une seule goutte de Johannisberg dans son verre. Ce fut en ce moment qu'on porta la santé de l'ami Fritz. Les verres heurtés les uns contre les autres rendirent cette jolie note argentine qui est comme la voix des vins du Rhin. « Fameux tout de même le nectar !» dit le gigantesque Hermann en faisant claquer sa langue contre les parois de son palais. « Il me semble qu'on boit la patrie allemande !» répliqua la romanesque Cattel en levant au ciel ses yeux couleur de faïence. « Nous en aurons du pareil dans notre vigne !» lui murmura langoureusement à l'oreille l'ex-faucocher. Seul l'ami Fritz ne partageait pas l'enthousiasme général. « Vous trouvez ce vin délicieux ? » demanda-t-il aux convives. « Monsieur de Metternich n'en a pas de meilleur dans sa cave, » répondit le maître du logis. « Il a un bouquet supérieur, » ajouta Salabert avec un aplomb formidable. « Moi, je lui trouve un goût légèrement amer, » répliqua Fritz. « C'est que vous avez encore à la bouche le souvenir de la gelée de groseille, » riposta l'ancien clerc de notaire. « Prenez une tranche de ce fromage d'Ernetal, et lorsque vous l'aurez mangé, vous me direz des nouvelles du Johannisberg, » repartit le gros Suisse. Le valet de chambre du baron Walker suivit le conseil, puis il tendit de nouveau son verre que Salabert remplit jusqu'au bord. Il emplit également le verre de Hermann et celui de Cattel, et cela avec tant de générosité qu'il ne resta pas une seule goutte de vin de la noble bouteille. Comme les trois convives étaient arrivés à cette douce ébriété qui suit d'ordinaire les bons repas, aucun d'eux ne s'aperçut de la nouvelle supercherie. « Allons, voilà l'affaire dans le sac !» se dit à part lui l'agent de Miss Colfax. Avant peu, les camarades ronfleront comme de véritables toupies d'Allemagne. Au bout de quelques minutes, l'ami Fritz, qui sentait sa tête s'alourdir, dit au Suisse. « Ne trouvez-vous pas, Hermann, qu'il fait ici une chaleur étouffante ?»« Il me semble que j'ai du sable dans les yeux, » répondit le gigantesque Allemand, en s'efforçant de lutter contre le sommeil qui l'envahissait. Quant à Mademoiselle Cattel, à moitié endormie, elle laissait aller sa tête de droite à gauche et de gauche à droite comme le balancier d'une horloge. « Prenons le café, » dit Fritz, en se redressant tout à coup. « Cela nous réveillera. » Il fallut secouer assez rudement la Wurtembergeoise pour la décider à servir le moka qu'elle avait préparé. Le café ne produisit aucun effet sur les trois compagnons de table de Salabert, et leur envie de dormir persista de plus belle. « Si nous faisions un bésigue, » dit le maître du logis, qui avait peine à tenir ses yeux à demi ouverts. « Oui, » répondit le factotum du baron Walker. En se mettant à battre avec acharnement un jeu de cartes que l'ex-clerc avait été prendre dans un des tiroirs du buffet. Mais rien n'y fit. La partie n'était pas même arrivée à la moitié que les cartes tombaient des mains de Fritz pendant que sa tête se renversait sur le dos de son fauteuil. De son côté, son partenaire ronflait comme un tuyau d'orgue. Enfin, Cattel était parti depuis longtemps pour le pays des rêves. Salabert la souleva douillettement dans ses bras, la porta sur un divan au fond de la loge, et plaça un coussin sous sa tête. De cette façon, l'excellente fille dormira plus commodément, pensa-t-il. Cela fait, il revint près de la table, et il contempla l'ami Fritz et le géant allemand d'un air de triomphe. « Les voilà comme je les voulais, » murmura-t-il, « la trompette du jugement dernier ne les réveillerait pas. » Il consulta alors sa montre. Elle marquait 10h moins le quart. Maintenant, continua-t-il, ils peuvent venir.